Evariste, dis comment y'en a. On se met de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganero à So Journal, l'édition de la soirée de So dimanche 3 septembre 2023. Donc voici d'abord le sommaire. 2 personnes ont été tuées, 1 autre blessée. C'est le bilan d'une attaque armée contre un véhicule de marque Probox la nuit de ce samedi sur la RN5 route Bujumbura-Chibitoke. Toutefois, les auteurs de cette embuscade n'ont pas été identifiés. Il n'existe aucune loi ni convention autorisant les mandataires publics à exercer le commerce. Propos de Massabo Michel, expert en droit, ce vendredi, lors du lancement par le LUCOM d'un guide pour les militants anticorruption. Et les feux de brousse ont été déjà signalés cette saison sèche dans toutes les communes de la province Bururi. Et ces feux sont d'origine criminelle et d'autres d'origine accidentelle, selon les informations en provenance du bureau de l'OBPI dans cette province du sud du pays. Bienvenue à cette édition. Deux personnes mortes, calcinées et un blessé, tel est le bilan d'une attaque perpétrée contre un véhicule de la marque Probox par des malfaiteurs non encore identifiés. C'était au cours de la nuit de ce samedi à Buringa, commune Gihanga, sur la RN5 route Bujumbura-Chibitoke. Les habitants de la localité demandent que la sécurité soit renforcée. Toutefois, les forces de l'ordre de sécurité disent que les enquêtes sont déjà en cours. C'est un reportage signé Espèce Caritas Cavagnana. 2 personnes ont été tuées, brûlées dans un véhicule apparemment de type Probox, complètement calciné au cours de cette nuit. Une 3e victime a pu échapper en courant et en criant. Elle a croisé les forces de l'ordre en intervention et c'est comme ça qu'elle a été sauvée. Elle est en train d'être soignée pour le moment car grièvement blessée par balle, selon les témoins sur place à Buringa. Une information également confirmée par les forces de l'ordre. Des habitants de Buringa, en petit groupe ce dimanche matin, tout près du lieu du drame, disaient qu'ils ont passé la nuit dans une peur panique et demandent que la sécurité soit renforcée dans cette localité. Ils racontent qu'ils ont commencé à entendre des tirs nourris mélangés d'explosions de grenades vers 21h30 au cours de cette nuit, des tirs qui n'ont duré que quelques minutes et qui ont été clôturés par une grande explosion suivie d'une flamme sur la RN5 et ils pensent que c'est un véhicule qui brûlait. Les maisons proches du lieu du drame présentent des traces de balles comme nous l'avons constaté ce dimanche matin. Les habitants de Buringa reconnaissent cependant l'intervention rapide des forces de l'ordre, sinon ils disent que le bilan aurait été beaucoup plus lourd, n'eût été l'intervention rapide des forces de l'ordre. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été identifiés. Les forces de l'ordre disent que les enquêtes sont en cours. Merci à Spes Caritas Kavanyana pour tous ces détails. Il n'existe aucune loi ni convention autorisant les mandataires publics à exercer le commerce. Propos de Massabo Michel, expert en droit, ce vendredi, lors du lancement par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques LOCOM d'un guide pour les militants anticorruption. Ce professeur d'université appelle le gouvernement à honorer la loi. Suivez-le dans cette traduction de Mère d'Ouage. Les défis majeurs auxquels fait face notre pays sont liés à l'application de la loi. Aujourd'hui, on constate que la loi concerne une seule catégorie de gens, notamment le bas peuple. Si l'on parle du commerce alors, toutes les lois relatives définissent bien la question d'incompatibilité. Aucun fonctionnaire de l'État n'est autorisé de pratiquer du commerce. Mais on trouve qu'ici et là, presque toutes les activités de commerce sont réalisées par les agents publics, les généraux, les députés et autres. Lorsque les fonctionnaires de l'État s'impliquent dans le commerce, la situation devient difficile parce que tous les marchés seront attribués à eux, le sucre, le carburant, ainsi de suite, tout simplement car la loi n'est pas respectée. Elle ne s'applique pas de la même manière à tous les concernés. Donc il faut honorer la loi, sinon ça restera difficile. Prenons par exemple comme demande de faire un choix entre l'activité d'intérêt public et celle de mon propre intérêt. Quelle est l'activité que je vais préférer? C'est celle de mon intérêt personnel. Donc, nous qui sommes fonctionnaires de l'État, devons prioriser les activités d'intérêt public. Si tu privilégies tes propres intérêts en mettant à côté les activités d'intérêt public, l'État ne progressera jamais. L'actualité continue sur l'Isanganiro. Certains des défis auxquels font face les femmes administratives à la base et en province Kayanza sont surtout le manque du temps suffisant pour faire les travaux ménagers et certains hommes qui ont développé la masculinité négative qui croient que la femme émancipée développe de la véhémence. Pourtant, Justine Komeza-Doussave, conseillère du gouverneur en charge des finances, appelle les femmes à se faire élire davantage dans les instances de prise de décision. Les détails avec Patrick Senghiouf. Parmi ces femmes chefs colinelles en province Kayanza, nous avons contacté Nyandu Eugénie, chef colinelle Mulima en commune et province Kayanza et en administration pour deux mandats successifs. Celle-ci fait savoir que parmi les principaux défis auxquels il fait face dans ses fonctions, figure surtout le manque du temps suffisant pour faire les travaux ménagers à la maison et les hommes ayant développé la masculinité négative qui décourage son mari, lui disant que plus sa femme sera élue dans l'administration à la base à Mulima, plus elle sera incontrôlable, regrette-t-elle. Une autre chef Colinelle est contactée et celle de la colline Luganza de la commune Matongo en province Kayanza. Tout comme Nyandu Eugénie, la femme qui dirige la colline Mulima, de même Kenzeimana Serafine dirigeant la colline Luganza en commune Matongo en fonction depuis déjà 19 ans, toutes font savoir qu'une femme administrative doit être brave et courageuse afin de surmonter toutes les difficultés éprouvées dans ses fonctions, surtout celles liées à la gestion du temps pour les affaires administratives et les affaires familiales. Ces femmes administratives, colinelles à Kayanza, demande aux hommes mariés de soutenir leurs femmes qui ont dans l'engouement de se faire élire dans les instances de prise de décision. Une fois élues, ces femmes demandent à ces femmes d'être des modèles dans la communauté tout en gardant du respect pour leurs maris. Justine Komeza-Doussave, conseillère du gouvernement en province Kayanza en fonction depuis 10 ans, appelle d'autres femmes qui se démarquent encore de promouvoir l'estime de soi et se faire élire dans des instances de prise de décision dans le pays. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Page éducation à présent, deux hommes de la commune Guitobé en province Kirundo sont au cachot du parquet de Kirundo depuis ce samedi. Ils sont accusés de substituer, de falsifier l'une des copies des participants du test de recrutement des enseignants dans cette commune Guitobé de la province Kirundo. Un homme attrapé en flagrant délit a directement avalé ce papier comme l'affirme l'administrateur de la commune Guitobé, en signalant qu'après la correction du test, il y a eu une copie manquante d'un candidat, n'est-ce pas, Agnès Nombagatse? Comme l'indique le directeur communal de l'enseignement dans la commune Guitobé, Théodore Mulindawigui, ces hommes sont dans les mains de la police. L'un est connu au nom de Mukezangingo Joël et il est son conseiller à la direction communale de l'éducation et en même temps secrétaire de la commission de recrutement des enseignants. Théodore déclare qu'au moment où il était prévu de distribuer ce samedi les copies aux candidats ayant passé le test, Joël lui a informé qu'il va arriver au lieu de distribution des copies avec un léger retard. Le directeur communal de l'éducation dans cette commune dit qu'il a été étonné de voir son conseiller Joël déjà sur le lieu en train de distribuer les copies en l'absence des autres membres de la commission de recrutement. Comme la même source continue à l'informer, dès que Joël l'a vu arriver, il a directement avalé ses papiers. Le DCI a insisté pour avoir ses papiers mâchés parce que lors de l'enregistrement de points ce vendredi, il y avait eu des copies non vues. Le directeur communal de l'enseignement affirme que ce papier avalé pourrait être l'un des copies qu'ils ont manqué ce vendredi, car même s'il a fini par cracher ce papier avalé, le papier était tellement abîmé, quitte à ce que le code du candidat n'a pas pu être lisible. Son conseiller est dans les mains de la police avec un autre homme avec qui il a échangé dans l'accomplissement de cet acte ignoble connu sous le nom de Mandela Daniel. Ce dernier est l'époux de l'une des femmes ayant passé le test de recrutement, mais le DCI s'insurge contre cet acte et interpelle tous ceux qui pensent tricher de se ressaisir. L'administrateur de la commune, Guitové, Georgine Doussabé, demande à la justice d'appliquer la loi en infligeant la punition aux auteurs. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Naumagadze pour tous ces détails. Page environnement présent. Les feux de brousse ont été déjà signalés cette saison sèche dans toutes les communes de la province Bruri. Même si la superficie qu'ils ont dévastée n'est pas encore connue au niveau du bureau provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, ces feux sont d'origine criminelle et d'autres d'origine accidentelle. Selon les informations en provenance de ce bureau, l'honorable Fabrice Ndikundira, Fabrice Ngurunziza plutôt, deuxième vice-président du Sénat burundais qui était en commune Rutovu ce samedi, a appelé toute la population de cette province à éradiquer les feux de brousse qui sont parmi les causes de la région et de la sécheresse. Les détails avec Zénon Zamiman. Depuis le début de cette saison sèche, toutes les communes de la province de Bruri ont été déjà touchées par l'effet de brousse, mais la superficie dévastée n'est pas encore connue, selon le bureau provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBP, à Bruri. Les herbes et les boisements dans certaines localités ont été déjà emportés par ces feux de brousse, sans oublier une partie de la réserve naturelle de Vianda qui a été également brûlée. Ces feux de brousse sont en général brûlés par des malfaiteurs, d'autres sont d'origine accidentelle, notamment ceux en provenance des brûlis au champ, malgré les sensibilisations déjà menées par l'administration en collaboration avec les chargés de la protection de l'environnement, selon toujours le responsable de l'OBP à Bruri. Selon les sources policières dans cette province, certains des présumés auteurs de ces feux de brousse ont été déjà appréhendés, mais d'autres restaient toujours inconnus. Le deuxième vice-président du Sénat burundais qui s'était joint ce samedi à la population de la colline Kijima en commune de Rutovu dans les travaux de développement communautaire a dans son discours appelé toute la population de la province de Bruri a éradiqué ces feux de brousse qui provoquent l'érosion et la déforestation qui empêchent les pluies de tomber. Fabrice Nkurunziza les a appelés à veiller à ce qu'il n'y ait plus de ces cas de feux de brousse dans la province de Bruri. Depuis Bruri, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Une production de 500 kg de poissons est attendue sur cette première pêche au sein de la coopérative Odeka Terimbiri de la commune Mumba, province Ngouzi, réunissant 300 membres. Efrem Bunyakamye, président de cette coopérative, envisage vendre cette récolte afin d'acheter des poules abritant des maisons construites dans les étangs piscicoles. Poules pouvant aider dans l'alimentation de ces poissons, le responsable de cette coopérative demande l'aide des bienfaiteurs car selon lui, avoir des poules pouvant abriter 10 maisonnettes n'est pas chose facile. Les détails avec Apollinaire Muzakar. Comme l'indique FM Bunyakamye, la coopérative Adeka Terimbere a débuté ses activités il y a 6 mois dans le marais de Viegua en province Ngozi. Il est composé de 150 femmes, 95 jeunes filles et garçons, ainsi que 55 hommes, issus des 4 communes à savoir Mumba, Nyamurenza, Kashikanwa et Ngozi. La première activité de pêche a débuté ce vendredi et va se poursuivre même la semaine prochaine, selon le responsable de cette coopérative. Les membres de cette coopérative piscicole s'attendent à environ 500 kg de poissons, arguant qu'ils sont au début du projet, d'où la production n'est pas trop bonne. Les poissons sont vendus sur place à raison de 10 000 francs le kilo et la somme d'argent récoltée servira à l'achat des poules pour peupler les poulaillers modernes construits dans ces étangs piscicoles. Les restes des aliments de ces poules ainsi que leurs déchets serviront, selon toujours Ephraim, à nourrir ces poissons. Mais ils demandent la main des âmes charitables, principalement le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, expliquant que peupler 10 poulaillers déjà construits n'est pas chose facile à eux seuls. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikubanyanga. Bonne soirée, bonne nuit chez vous. Au revoir.